Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Eh bien Marc, ce soir on commence avec une nouveauté norvégienne. Il s'agit de Giant Sky, un groupe qui a lancé il y a 2 ans maintenant un album éponyme, Giant Sky. Celui-ci a pour titre Giant Sky 2 et c'est le projet du claviériste Erlend Viken du groupe Soup. Et plusieurs invités, on retrouve plusieurs invités norvégiens, dont des musiciens de Wizard et de Motor Psycho. L'album a été lancé hier et la publicité qu'on peut voir sur Internet annonce le disque comme la rencontre de Pink Floyd, Mogwai, Nick Drake et Tim Impala, et comme si tout ce beau monde avait composé la trame sonore du nouveau Blade Runner. Comme premier extrait, ben, on aura la pièce « Speak Through Walls ». Et par la suite, Marc, ben, on aura une formation multinationale. Oui, en effet, on peut dire ça comme ça. On parle ici de la formation Polymorph, qui est un groupe californien à l'origine et dont les membres se sont retrouvés éparpillés dans leur pays d'origine, donc la France, la Suisse, le Brésil, du fait de la pandémie. Et ils se sont rassemblés à Strasbourg pour plusieurs semaines d'écriture pour aboutir finalement à cet album qui a pour titre Tangible Dreams. C'est leur premier album. On aura pour vous ici ce soir la pièce Sail to the Sun. Et ce sera suivi de la formation québécoise Mangeurs de rêves, qui viennent de faire paraître un second album qui a pour titre Vivre et mourir. C'est une formation qui a débuté à Montréal en 2016. Leur premier album avait pour titre Histoire à l'envers et paru en 2019. Alors, du nouvel album Vivre et mourir, on aura la pièce de résistance de cet album qui a pour titre Le Mangeur de rêves. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la formation Giant Sky. Thank you.

de dormir. Mais à quelque part, tant que les mangeurs de rêves venaient, il reste quelque chose. Il n'y a plus rien à dévorer. On est tous des grandioses, des menteurs. Et quand la fourche se porte, c'est plus qu'elle. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Renouvelez votre carte de membre dès maintenant. Cette année, nous vous proposons 3 options d'adhésion pour répondre à vos besoins. Rendez-vous en ligne sur le site de CKRL pour connaître tous les avantages et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Je ne veux pas regarder mon enfant et penser « On t'a construit, on t'a sélectionné ». On avait une certaine somme d'argent qui a déterminé ce que tu pouvais avoir ou non. Je fais allusion au fait de faire n'importe quoi avec la lignée germinale. Le génie génétique. On pourrait avoir un enfant en pleine forme dès sa conception, si seulement tu étais d'accord. Notre enfant sera un esclave, né pour répondre aux critères de ses atouts génétiques. Pourtant, je vois mon enfant. Un texte de Dan O'Regan, traduit par Sophie Magnot, mis en scène par Frédéric Bradet. Une production des finissants et finissantes du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Du 12 au 17 décembre, billetterie en ligne au conservatoire.gouv.qc.ca. Ici Yves Corbeil, un petit côté dément. Ben oui, pourquoi pas. Je vous invite à écouter Démentiellement Vôtre le vendredi soir à CKRL avec Satan Guy. Sait-on toujours, au hasard d'une promenade, où nous conduirons les chemins qui s'offrent à nous? Émerveillement devant la beauté, éblouissement d'un souvenir qui se ravive en soi, ou encore, invitation à la halte pour découvrir le sens de chaque tronçon parcouru. Faites-en vous-même l'expérience, à part tous les chemins, chaque dimanche à 16h. Odette Legault vous invite à l'accompagner dans ses promenades musicales à CKRL, la radio qui découvre le meilleur du passé musical, célèbre le présent et cultive l'avenir. La boulangerie artisanale La Boîte à pain est ravie de vous offrir ses croutons rabais. Cherchez l'autocollant rouge amusant vous indiquant de nombreuses réductions disponibles. Retrouvez nos croutons rabais en succursale et dans l'antidote dès maintenant. N'oubliez pas de profiter de ces offres avantageuses en cette période d'inflation. Il y a toujours un crouton rabais à se mettre sous la dent. Boîte à pain.com. CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec un extrait du tout nouvel album de Ancient Veil. La formation italienne nous propose un troisième disque studio intitulé Puer Eternum. Et tout de suite après, on aura David Cross Band, le groupe de l'ex-violoniste de King Crimson, qui incidemment, avec son nouvel album Ice Blue Silver Sky, revisite notamment deux pièces de King Crimson. Et puis Marc, après, on passe du côté de la France. Oui, en effet, on aura deux formations françaises. On aura Gabriel Keller, tiré de son premier album, qui a pour titre Clair Obscur, paru en 2022. Il y a un nouvel album qui s'en vient pour 2024. Et ce sera suivi de Lalu, avec un nouvel extrait de son nouvel album The Fish Who Wanted to be King. Mais tout d'abord, comme vous le disiez Michel, on débute avec une nouvelle pièce de la formation italienne Ancient Veil. Thank you. your folder. Create a menu in your dance. Beware of the hero you claim his bounty. I'll stop you any way I can. I'll be here right behind you, judge and hung jury. Over your shoulder, I see the image of a man in a prison of paper, white and unbroken. I see a soldier, I hear a military band playing under the arches. We'll be right back. Open my eyes. wanted to be venerated. The venerated who longed to be aware. Universal need. Thank you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Salut, ici Dominique Girard. Vous aimez les sports en général? Pour rester informé sur les derniers enjeux sportifs, je vous invite à écouter tous les mardis à 14h l'émission La Mi-temps. En compagnie de mes collaborateurs chevronnés, nous discutons de la scène sportive sous tous ses angles. C'est un rendez-vous. La Mi-temps vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique spécialiste en produits naturels, et par Logosport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. Des enjeux mondiaux aux nouvelles méconnues mais pas moins importantes. En passant par des sujets inusités. À Carte du Monde, on analyse les questions de l'heure avec nos chroniqueurs et invités afin de comprendre ce qui se passe sur le globe. Avec Dominique Harvey et Emmanuel Deprado, les mardis 9h en rediffusion les samedis 14h. Carte du Monde, l'actualité internationale autrement. Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en 5 décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Taschereau, Étienne Grandmont. Député fédéral, Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibel. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Limite Acque Sicure, qui ont fait paraître leur premier album en 2022. C'est leur seul jusqu'à maintenant. La formation a été fondée en 2005 et c'était un groupe qui rendait hommage à la musique de Banco del Mutuo Soccorso. Alors, ils sont très inspirés du rock progressif des années 70. Et donc, de leur album éponyme, on aura la pièce Il respiro dell'anima. On aura également une nouveauté de la formation québécoise Vecteur K. C'est leur troisième album qui vient de paraître le 23 novembre. L'album a pour titre Statigraphie et on aura pour vous la pièce d'ouverture qui a pour nom Flashback. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec un collectif scandinave. Oui, en fait, on peut parler d'un collectif norvégien puisque ça réunit des membres de divers groupes norvégiens. Un groupe qui est curieusement né dans les années 95 alors que tous ces musiciens étaient encore à l'école secondaire. Et dès le début, le plan était de présenter une trilogie. Donc, il y a eu des pièces de composer dans ces années-là qui ont été gardées. Et bon, il y a eu un va-et-vient au sein du groupe. Et finalement, la formation s'est stabilisée avec des invités. Les plus anciennes pièces ont été remaniées, réarrangées, et de nouvelles pièces ont été composées pour un total de 18 pièces. Le groupe a adopté le nom de Chronicles of Father Robin, et puis la trilogie porte pour titre The Songs and Tales of Eria. Et chaque disque a un sous-titre. Dans le cas du Book One, c'est The Tales of Father Robin, State of Nature. pour le book 2, c'est Ocean Traveler Metamorphosis. Et pour le troisième volet qui doit paraître en 2024, c'est Magical Chronicle Ascension. Et puis, ben, si on parle un peu des membres, on retrouve au sein du groupe le chanteur Andreas Presmo, bien connu pour son rôle au sein de Wobbler. Et puis, on retrouve aussi comme invité Lars-Fredrik Freusli, claviériste de Wobbler. Il y a aussi des musiciens de Samuel Jackson 5, c'est Thomas Cardol à la guitare, et puis on retrouve aussi des membres de Tursborg et de Yorsha. On peut donc parler d'un super groupe norvégien, et on va écouter un extrait du premier album, Book One, et c'est la pièce « The Death of the Fair Maiden ». Thank you. octobre, j'entreprends le projet d'être sobre. Jusqu'à demain, jour un congé, prescrit sur un bout de papier. On me force à m'arrêter, libre comme l'air, break cérébral avec salaire. Enfin le temps de me refaire, 2 heures déjà passées. Faudrait bien aller m'habiller avant mon prochain café. Quand la nuit tombe, la route est plus de marcher sur un fil, prêt à chuter, faudrait rappeler, renvoyer, compléter les papiers, signe de passage obligé. Intense migraine, 2-3 acétaminophènes, aux 4-6 heures, souvenir de phare qui refuse de me prendre l'angle mort et me propulse dans le décor. Quand la nuit tombe, la route est plus sombre, la confiance est de passer à l'autre étape, le temps me rattrape, le jour s'impose, l'angoisse me tient en état d'hypnose, je ne suis jamais en contrôle. Quand la nuit tombe, la route est plus sombre, la confiance est s'abîme comme pour un arbre que l'on déracine. Je ne sais plus où est ma cime. Ça tourne sans cesse, les polymères plient, craquent et cèdent. La cage se resserre, souffle le verre. Nous traversons bitume, roche et terre dans un véhicule en colère. Une fraction d'ouragan. Les mains sur le volant, une violente embardée sur 1600 degrés. Et tout s'arrête dans les arbres. We'll be right back. Hi, I'm Antonello from Limite Acque Sicure. An affectionate greeting from me, from Andrea, Ambra, Luca, Paolo, Francesco, to all the operators of Terra Incognita on the occasion of the 20th anniversary of the activity. Thank you for the great commitment, the great work, the great mission you have given yourself, that of spreading the best progressive music in the world. Limite Acque Sicure dedicates its music to them and to all listeners. A huge hug to everyone. Good music. Yes. che nella tua anima troverai. Sogni e fantasie la seguirai e insieme a lei tu volerai. Sì. Cerca dell'anima. Ora in silenzio, ascoltando il respiro dell'anima. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura une formation de la Norvège qui a pour nom Ring Van Mobius. Ils ont débuté en 2014 et ont présenté 3 albums jusqu'à maintenant, dont leur plus récent est paru cette année. On aura ici ce soir pour vous un extrait du tout premier album paru en 2018, Past the Evening Sun. Il faut savoir que la formation se présente comme un groupe qui serait revenu en 1971 pour présenter un album de rock progressif de l'époque. Donc ici, vous allez voir que la pièce qu'on a choisie pour vous est très inspirée de la musique de Van der Graaf Generator. Et c'est la pièce Chasing the Horizon. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on reste en Scandinavie. Oui, on va y aller avec une des plus anciennes formations norvégiennes encore en activité. J'ai nommé Curse Pink. On va voir un extrait du 5e album Mystic Spirit paru en 2013 et c'est la pièce Earth to Earth. The sky is big and my life is small. Creator in the heavens upon high. Who are you? Who am I? dawn of life, Earth was given to man. It was not just a gift, but the center of a higher plan. Little did man know of the shape of things to come, nor the tasks ahead, yet undone. We refuse to foresee Armageddon, though the prophets are clear in their prediction. 'Cause we live from day to day without a care for tomorrow, and thus we have sealed our fate, the end. We'll be right back.

Nez Rouge a 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Cet hiver, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez The Living Brothers avec Tony Levin en programme double avec California Guitar Trio, Daniel Lanois, John Pizzarelli, Eliane Elias et Mark Johnson et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant. Toute la programmation au palaismontcalm.ca. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté et créer un réel impact positif. Le Réseau de l'Action bénévole du Québec soulignera cette année la 38e édition de la Journée internationale des bénévoles. Le 5 décembre prochain, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. La Journée internationale des bénévoles. Pour ensemble, faire une vraie différence. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. D'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume.